Ses proches sont formels. Le procureur argentin Alberto Nisman n'était nullement suicidaire. Et d'ailleurs, un homme qui a préparé une liste de courses pour sa femme de ménage a-t-il l'intention de se donner la mort ? Plus sérieusement, un magistrat qui devait présenter le lendemain un important rapport devant une commission parlementaire pouvait-il avoir l'intention de mettre fin à ses jours ? Non. Dans cette affaire mystérieuse, rien ne plaide en faveur du suicide. Et tout au contraire, incline à penser à un assassinat. À commencer par le fait que sur les mains de Nisman, il n'a été retrouvé nulle trace de poudre. Ou encore, que les caméras de surveillance installées autour de son immeuble se trouvaient curieusement en panne le jour de sa disparition. Puis il y avait les nombreuses menaces que le procureur avait reçues. Alors, pourquoi aurait-il été éliminé ? Le mobile de son ou de ses éventuels meurtriers doit bien sûr être recherché dans son travail de magistrat. La direction d'une enquête aussi tentaculaire que confuse sur un double attentat antisémite perpétré à Buenos Aires dans les années 90. Pour sa part, Alberto Nisman menait des investigations depuis 10 ans. Et il était donc sur le point de communiquer dans un document quasi définitif ses conclusions. Monsieur X nous l'a dit la semaine passée, le procureur allait certainement pointer la responsabilité des Iraniens dans ce double attentat. Toutefois, il se disait aussi qu'il allait accuser le pouvoir, la présidente Kirchner en l'occurrence, d'avoir tout fait pour étouffer l'affaire et exonérer Téhéran. Devait-on alors le faire taire à tout prix ? Mais, à la toute fin de son dernier entretien, mon interlocuteur me disait aussi que, d'une façon ou d'une autre, il fallait chercher la vérité du côté des services secrets argentins. Inter. Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Un bref rappel tout d'abord. Les deux attentats très meurtriers de Buenos Aires, l'un en 1992 contre l'ambassade d'Israël et l'autre en 1994 contre la MIA, un centre culturel juif, avaient bien sûr un caractère commun. Oui, l'antisémitisme. Cela semblait évident. Aussi très vite, on a émis au moins deux hypothèses. on a pensé à l'extrême droite argentine. Qui avait été au pouvoir sous la terrible dictature militaire. Jusqu'en 1983, oui. En outre, l'Argentine avait accueilli de très nombreux nazis après la Seconde Guerre mondiale, dont plusieurs criminels de guerre. Ensuite, enfin là je vais vite car nous en avons longuement parlé la semaine passée, on a pensé à une piste proche et moyen-orientale, pour au moins deux raisons. Ouais, vous avez évoqué la rupture d'un contrat nucléaire passé entre l'Argentine et l'Iran. Et aussi la volonté de vengeance du Hezbollah après plusieurs violentes opérations israéliennes conduites contre ce mouvement libanais. Le Hezbollah, organisation libanaise, chiite, étroitement liée à l'Iran. Et s'il paraissait extravagant que le conflit proche-oriental produisent des conséquences aussi dramatiques à l'autre bout du monde, on a souligné qu'il existait au nord de l'Argentine une importante communauté arabe chiite. Ouais, implantée dans la région de la triple frontière. Une zone grise aux confins de l'Argentine, du Paraguay et du Brésil. Mais je n'insiste pas. En tout cas, la piste de la responsabilité iranienne a donc été privilégiée par la justice, et en particulier par le procureur Nisman qui a fini par hériter en 2004 de la direction de l'enquête après une succession d'épisodes pour le moins confus. Et de négligence coupable. Oui, manifestement, les autorités argentines n'avaient pas la volonté d'aboutir. Et ça a été particulièrement évident sous la présidence de Carlos Menem. Ouais, qui était d'origine syrienne. Et qui aurait même reçu 10 millions de dollars de l'Iran afin de mieux dissimuler la responsabilité de ce pays dans la perpétration des attentats. Toutefois, malgré plusieurs indices concordants, aucune preuve n'a pu établir formellement l'implication iranienne. Mais Nisman, le nouveau procureur, là, lui était bien décidé à incriminer l'Iran. Hein. Et surtout dans un document de presque 300 pages qu'il devait produire devant une commission parlementaire, il avait l'intention de dénoncer les agissements de la présidente Cristina Kirchner, qui selon lui voulait exonérer l'Iran de toute responsabilité. Je n'insiste pas, nous allons y revenir. Il faut aussi rappeler les pressions exercées tant par Israël que par les États-Unis pour conforter l'accusation contre Téhéran. Vous avez raison. Alors, à la lumière de ce bref rappel, voyons maintenant les hypothèses qui ont été émises après la mort du procureur Nisman. La version officielle restant toujours celle du suicide. Et au fond, est-ce qu'elle est si invraisemblable que cela ? Non, il ne faut pas la négliger, même si de nombreuses constatations matérielles permettent de la mettre en cause. À l'exception toutefois de la position dans laquelle on a retrouvé son cadavre. C'est-à-dire ? Son corps, dans la salle de bain, bloquait la porte d'entrée. Ah, ça pourrait effectivement accréditer la thèse du suicide. Mais parce qu'en se tuant, il serait tombé devant la porte. Mais son corps aurait pu aussi être manipulé, quoi qu'il en soit. Pourquoi Alberto Nisman aurait-il pu se donner la mort ? Les tenants de la version du suicide affirment que le magistrat, malgré une enquête de 10 ans, avait pris conscience qu'il se trouvait dans une impasse. Un échec ? Oui. Certes, il avait rédigé ce volumineux rapport de 300 pages qu'il devait rendre public le lendemain de sa mort, mais il savait parfaitement que ses conclusions ne tenaient pas la route. Pas assez crédible. Et dépourvues de preuves tangibles. C'était en particulier le cas dans la partie du rapport qui accusait crûment la présidente Kirchner d'avoir tout fait pour disculper l'Iran. En produisant ce document, il risquait donc de voir ses erreurs ou approximations mises à jour. Cet homme qui avait fait de cette enquête l'œuvre de sa vie n'aurait donc pas supporté de se voir humilié. Ah oui, alors il aurait préféré en finir avant de connaître ce désastre. C'est ça. D'autant qu'il ne pouvait guère se faire d'illusions sur l'accueil qui serait réservé à son rapport. Déjà, plusieurs grands médias avaient souligné à de nombreuses reprises les faiblesses de son enquête. Comme ils avaient aussi mis en lumière son côté girouette. Girouette, c'est-à-dire ? Le procureur avait beaucoup varié dans ses hypothèses et les accusations qu'il avait proférées. Ouais, alors bref, c'était un homme fragilisé. C'est ce que soutiennent ceux qui en tiennent pour la version du suicide. Ah, mais j'ai l'impression que vous n'y croyez guère. Non, parce que ses proches affirment de façon unanime que Nisman n'était nullement suicidaire. Sa mère, en particulier, qui a été la première à découvrir son corps, a trouvé une liste de courses qu'il venait de rédiger pour sa femme de ménage. Est-ce qu'un homme décidé à en terminer avec la vie peut se préoccuper de ce qu'il mangera le lendemain ? S'il a demandé à son chauffeur de lui procurer une arme, c'est tout simplement qu'il avait reçu des menaces. Ah oui, qu'il voulait pouvoir se défendre en cas d'attaque. Et ce qui est quand même troublant, c'est que C'est justement cette arme qui a provoqué sa mort. Il aurait donc fallu que son ou ses assassins s'en emparent pour le tuer. Et simuler un suicide. Oui, j'avoue que c'est l'un des points faibles de la thèse de l'assassinat. Mais rien n'est vraiment impossible à des tueurs professionnels. Car si Nisman a été effectivement assassiné, il l'a été par des hommes expérimentés, des spécialistes. Oui. Alors, le commanditaire maintenant, qui ? Il est logique de chercher à qui pouvait profiter ce crime. Et la première candidate est forcément la présidente argentine, Cristina Kirchner, aurait pu être tentée de faire taire Nisman, ou au moins l'empêcher de lui nuire. D'accord, mais le faire tuer la veille de la remise de son rapport, ça ne servait à rien, car j'imagine que ce document avait déjà été imprimé. Et qu'il aurait donc été de toute façon publié, Nisman vivant ou mort. Oui, mais je vous le rappelle, on a trouvé, après la disparition du procureur, des brouillons dans sa poubelle. Nisman y annonçait son intention de placer la présidente en détention et au minimum de la contraindre à ne pas quitter le territoire national. Oui, ça c'était beaucoup plus gênant pour Cristina Kirchner. Hein. En effet. Mais était-ce un mobile suffisant pour pousser la présidente à se débarrasser de Nisman? Même si celui-ci avait réellement voulu placer Kirchner sous les verrous, celle-ci aurait certainement pu disposer de recours juridiques pour annuler ou retarder sa détention. Autre question primordiale. Si vraiment la présidente a commandité l'assassinat, à qui s'est-elle adressée? Vous voulez dire quels sont les tueurs qu'elle a recrutés? Alors bien sûr, on pourrait penser à des hommes issus des services secrets. Et c'est vous-même qui avez parlé de tueurs professionnels. Hein? Oui, mais en l'occurrence, ça me semble difficilement concevable. Tout simplement parce que Nisman entretenait des rapports très étroits avec les services secrets argentins qui l'épaulaient dans son enquête. Alors il aurait donc pu être informé d'une menace venant de ce côté-là? On peut l'imaginer. Mais c'est un point sur lequel je reviendrai, je vous le promets. Car incontestablement, ces services ont été impliqués, même si ça reste obscur. Comme tout ce qui touche les services spéciaux. Si vous voulez. En faveur de l'innocence de la présidente argentine, il faudrait ajouter ce que je vous disais sur le contenu même du rapport du procureur Nisman. Ouais, un peu faible. Et même parfois nourri d'arguments gonflés ou tout simplement erronés. Alors qu'il était censé être explosif. C'est en tout cas ce qu'on prétendait avant sa publication. Mais quand même, Nisman n'avait pas pu tout inventer. C'est vrai. Alors voyons cela de plus près. Le principal argument du procureur Nisman contre la présidence argentine est celui-ci. Cristina Kirchner aurait tout fait pour étouffer son enquête. Essentiellement parce que ses propres investigations le conduisaient à mettre en cause la responsabilité iranienne dans les deux attentats de Buenos Aires. Et pourquoi la présidente aurait agi ainsi? Parce qu'elle considérait que ces révélations nuisaient à une reprise des échanges commerciaux entre les deux pays, surtout en matière énergétique, car l'Argentine pouvait, grâce à l'Iran, disposer de pétrole à bas coût. Et donc il ne fallait pas fâcher les ayatollahs. Or, Nisman, lui, croyait dur comme fer à la culpabilité iranienne. Et déjà, il avait mis ses actes en accord avec ses convictions, au risque de ruiner définitivement les relations commerciales et diplomatiques entre son pays et l'Iran. Le procureur Nisman semblait en effet très déterminé. Extrait d'un article du site Mediapart, mis en ligne tout de suite après l'annonce de sa mort. La semaine dernière, Alberto Nisman avait interrompu ses vacances en Europe pour rentrer au pays, accusant la présidente Cristina Kirchner et son ministre des Affaires étrangères, Héctor Timmermans, d'entrave à la justice dans l'enquête sur l'attentat contre l'AMIA, l'association mutuelle israélite-argentine, qui a fait 85 morts et 300 blessés le 18 juillet 1994 dans la capitale argentine. Il devait intervenir devant le Parlement lundi 20 janvier pour exposer ses thèses aux députés. Alberto Nisman affirmait détenir des enregistrements d'écoute téléphonique démontrant que le gouvernement argentin avait accepté un accord avec l'Iran afin de couvrir la probable responsabilité de politiques iraniens en échange d'une aide financière et économique vitale en temps de crise. Dès 2006, à l'initiative de l'équipe de procureurs dirigée par Nisman, la justice argentine accuse officiellement l'Iran et le mouvement chiite libanais Hezbollah d'être responsables de l'attentat contre l'AMIA. Nisman déclare lui-même que la décision de commettre l'attentat a été prise par les plus hautes autorités de la République islamique d'Iran, qui a chargé le Hezbollah de réaliser l'attaque. Les magistrats ont donc délivré un mandat d'arrêt à l'encontre des plus hautes autorités du gouvernement iranien de l'époque. Et qui exactement ? Ils sont sept, dont l'ancien président Rafsanjani. Mais il y a aussi l'ex-ministre du renseignement, Ali Falahian, celui des affaires étrangères, Ali Akbar Velayati. Il y a enfin parmi eux un homme dont nous avons souvent parlé, Imad Mounier. Et c'est le chef militaire du Hezbollah, hein, celui qui a sans doute perpétrer les attentats de 1983 contre nos soldats et les GIs américains à Beyrouth. Et qui a été liquidé à Damas en 2008, sans doute par les agents du Mossad. Ouais. Les accusations d'Isman sont donc extraordinairement précises. Mais est-ce qu'il explique pourquoi l'Iran et son bras armé, alors le Hezbollah, ont perpétré cet attentat ? Oui. Dans un premier dossier de 800 pages, le procureur affirme que l'Iran de Rafsanjani voulait punir l'Argentine après la suspension unilatérale de l'assistance technologique nucléaire que Buenos Aires accordait jusque-là à l'Iran. Nisman prétend même que la décision de commettre l'attentat a eu lieu le 14 août 1993 lors d'une réunion dans la ville de Mashhad, ville sainte du chiisme. Réunion à laquelle participaient les plus hauts dignitaires du gouvernement iranien. Mais c'est une révélation qui rappelle étrangement l'information publiée dès 1994 hein, par un journaliste réputé proche des services secrets israéliens. Et qui pourrait donc provenir de la même source. Le Mossad. Toutefois, dans son rapport de 2006, Nisman affirme qu'il tient cette information de déclarations de repentis ou de dissidents iraniens. Parce qu'il était peut-être difficile de reconnaître que c'était le Mossad qui l'avait inspiré. Je suis d'accord. À la nuance près que le Mossad ajoutait que le Hezbollah avait aussi voulu se venger des attaques israéliennes contre leur mouvement, c'est-à-dire l'enlèvement d'un de leurs dirigeants et un raid aérien meurtrier dans la plaine de la Beka au Liban. Ouais. Quel a été l'effet produit par ces accusations de 2006 contre l'Iran ? Pas grand-chose. Bien évidemment, les mandats d'arrêt argentins lancés contre leurs dirigeants ont été ignorés par les Iraniens. Ouais, le contraire eût été étonnant. Hein. Mais ça n'a pas empêché le procureur Nisman et ses collègues de poursuivre leurs investigations. Alors toujours dans le même sens, c'est-à-dire à charge contre l'Iran. Oui, il a, par exemple, soutenu que l'Argentine était infiltrée par les services de renseignement iraniens qui avaient commencé dès le milieu des années 1980 à y établir un vaste réseau d'espionnage à partir de son ambassade. Y auraient été associés des éléments extrémistes fréquentant les mosquées chiites présentes dans le pays. Et selon le magistrat, ces individus auraient joué un rôle logistique dans la préparation de l'attentat de 1994. Les mandats d'arrêt là, délivrés par l'équipe de procureurs argentins ont-ils eu des conséquences sur le plan international ? Oui, pour certains des personnages accusés. En 2007, Interpol a émis des notices rouges contre certains d'entre eux. Mais Rafsanjani et Velayati n'ont pas été concernés. Oui, ces notices rouges sont parfois improprement appelées mandats d'arrêt internationaux. En effet, mais leur diffusion a surtout comme objectif d'alerter les services de police étrangers du fait qu'un mandat d'arrêt a été délivré contre ces suspects. Donc ces notices rouges n'entraînent pas automatiquement l'arrestation de ces individus s'ils se risquent à voyager hors de leur pays. C'est exact. En tout cas, rien ne se passe avant 2009. Cette année-là, le procureur Nisman demande l'inculpation de deux Libanais du Hezbollah et de six nouveaux responsables iraniens. Mais c'est le 18 juillet, alors qu'on commémore les 15 ans de l'attentat contre l'AMIA, le centre culturel, que se produit un grave incident. Claudio Lifschitz, un collaborateur d'Alberto Nisman, est victime d'un attentat à l'arme à feu. Il est tué ? Non, mais il est grièvement blessé. Peu de temps auparavant, il avait accusé les services secrets argentins d'avoir infiltré une cellule secrète iranienne. Ces services auraient été tenus au courant de la préparation de l'attentat contre le centre culturel juif, mais ils ne seraient pas intervenus pour l'empêcher. Ouais. Et bien sûr, on s'en souviendra lorsque Nisman lui-même trouvera la mort. C'est évident. Ouais. Mais un peu plus tard, en 2010, c'est Nisman lui-même qui se trouve sur la sellette. Ah, pour quelle raison, là ? Ben, on découvre à la lecture des câbles diplomatiques dévoilés par Wikileaks que le procureur Nisman entretenait des rapports très étroits avec l'ambassade états-unienne de Buenos Aires. Non seulement le magistrat y effectuait de nombreuses visites, mais il informait précisément les services américains de l'avancement de son enquête. Il lui arrivait même de leur désigner de nouveaux suspects avant même de les signaler officiellement à la justice argentine. Ouais, on peut donc estimer qu'il travaillait sous influence américaine. C'est ce que certains journalistes n'ont pas manqué d'écrire. Alors, maintenant, je vous propose de revenir au dernier rapport de Nisman et en particulier à son accusation contre la présidente Cristina Kirchner. Et donc à l'éventuelle implication de cette dernière dans la disparition du magistrat. Oui. Je vous rappelle d'abord que Cristina Kirchner a été élue présidente de l'Argentine en octobre 2007. Et elle a pris la suite de son époux Néstor. Et c'est alors un couple qui gouverne l'Argentine. Mais son époux meurt en 2010, victime d'une crise cardiaque. Cristina est alors vraiment seule aux commandes. Et elle sera réélue en 2011. Comme son mari, elle appartient au parti justicialiste. Ouais, c'est-à-dire péroniste. Le parti qui domine la vie politique argentine depuis des lustres, oui. Et qui n'a plus grand-chose à voir avec son inspirateur, le général Perón. Il y a d'ailleurs des péronistes de gauche et d'autres de droite. Cristina ? Disons qu'elle est centriste. Ah bon, autre détail, les Kirchner sont originaires de Patagonie, où ils ont fait fortune. Après la mort de son mari, Cristina infléchit la politique étrangère de son pays, qui est traditionnellement favorable aux États-Unis. Elle penche même carrément du côté de la gauche anti-impérialiste latino-américaine. Oui, au pouvoir déjà en Bolivie, au Venezuela. Et aussi en Équateur. Alors pourquoi ce virage à gauche ? Au moins en politique étrangère. Ce serait trop long à vous expliquer. Il y a la crise économique, mais aussi la longue bataille juridique opposant Buenos Aires aux fonds vautours états-uniens. Ouais, des fonds vautours qui n'ont toujours pas digéré la restructuration de la dette après la faillite du pays. Hein. En 2001, oui. Et ils réclament toujours d'être remboursés intégralement. Il faut d'ailleurs noter qu'en décembre 2014, la Cour fédérale de New York leur a rendu raison. Ça n'a pas contribué à améliorer les relations entre l'Argentine et son puissant voisin du Nord. Et c'est le moment de rappeler que le procureur Nisman, lui, est au contraire dans les meilleurs termes avec les Américains. Mais ce qui doit contrarier la présidente. C'est certain. Mais il est encore plus préoccupant pour elle. Nisman s'acharne à privilégier la seule piste du commanditaire iranien dans les attentats de Buenos Aires. Et ça va à l'encontre de la nouvelle politique étrangère argentine de Cristina Kirchner, qui prend ses distances avec les États-Unis pour se rapprocher justement de pays tels que l'Iran, avec lesquels il serait possible de signer de fructueux contrats commerciaux. Des contrats providentiels pour une Argentine en crise. Oui, mais il y a l'épine Nisman. Qui continue à envenimer les rapports entre les deux pays, alors même que Cristina croyait avoir trouvé un moyen infaillible pour renouer de bonnes relations avec le régime des ayatollahs. Qu'avait-elle trouvé, là ? En 2013, Téhéran et Buenos Aires signent un accord mémorandum créant une commission d'enquête commune sur l'attentat contre l'AMIA. C'est en réalité l'aboutissement de négociations ouvertes en octobre 2012 à l'ONU entre les deux pays. L'accord est annoncé triomphalement par Cristina Kirchner, qui clame même que sa portée est historique. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cet accord ? Cette commission est chargée d'établir la vérité. Elle est composée de 5 juristes de renom, dont aucun ne pourra être de la nationalité de l'un des deux pays. Et d'après la présidente, elle permettra aux autorités judiciaires de Buenos Aires d'interroger pour la première fois les personnes recherchées par Interpol. Toutefois, Le document devra être ratifié par les parlements des deux pays. Et ça n'est pas forcément gagné. Non, parce que la signature de ce mémorandum provoque la fureur de l'opposition et de la communauté juive en Argentine. Cet accord, disent-elles, offrirait en réalité l'impunité aux suspects iraniens. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que cette colère est vivement relayée par Israël, et sans doute aussi plus discrètement par les Américains. Alors, que devient cet accord ? Les parlements iraniens et argentins se refuseront à ratifier l'accord mémorandum. Le procureur Nisman en personne obtient que l'accord soit considéré contraire à la Constitution et donc annulé. Et c'est une nouvelle pomme de discorde entre la présidente Kirchner et le procureur. Un nouveau mobile pour vouloir se débarrasser de lui ? On le prétendra. Car effectivement, pour le procureur, il est clair que Christina Kirchner veut par-dessus tout protéger les Iraniens en ayant même négocié des clauses secrètes avec eux. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Cette affaire du mémorandum passé entre l'Iran et l'Argentine sous le patronage de Christina Kirchner a entraîné une polémique d'une grande violence. En témoigne cette tribune, publiée dans le quotidien espagnol El País, après la mort de Nisman. Son auteur, Santiago Cantón, est le directeur exécutif du Centre Robert Kennedy pour les droits de l'homme aux États-Unis. Extrait. Nisman est mort après avoir dénoncé les rôles de la présidente, du ministre des Affaires étrangères Héctor Timmermans et de trois autres personnes dans la négociation d'un accord secret avec l'Iran pour couvrir l'attentat de Lamia. Si Timmermans nie systématiquement cet accord, les enregistrements qui font partie des preuves présentées par le procureur révèlent l'existence d'une négociation parallèle mise en place par des personnes n'appartenant pas au gouvernement et qui sont plus connues pour leur position antisémite, violente et pour agir comme une équipe de choc du gouvernement. Avant Timmermans, les précédents ministres, Bielsa et Tayana, avaient rejeté systématiquement toutes les offres de négociation politique de l'Iran sur l'affaire Amia. Bielsa a raconté que les Iraniens offraient des bonifications commerciales allant jusqu'à 4 milliards de dollars. Bref, selon Cantón, les Iraniens auraient acheté leurs partenaires argentins. Argentina. Buenos Aires. Et pour autant, était-ce une raison suffisante pour pousser la présidente Kirchner à éliminer le procureur Nisman ? Certains n'ont pas hésité à le prétendre. Et ils ont souligné que tout de suite après la mort de Nisman, Christina avait eu une réaction tardive et confuse. Après avoir affirmé que le procureur s'était suicidé, elle a soudain tourné casaque et parlé d'assassinat. Autre facteur incriminant. Elle perdra son immunité présidentielle en octobre 2015, car ayant déjà effectué deux mandats, elle ne pourra pas se représenter. Or, d'autres menaces pèsent sur elle. Christina Kirchner devra faire face à des accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Elle aurait pu s'affoler. Et décider en toute hâte de mettre fin au danger immédiat que représentait pour elle Nisman. Vous y croyez ? Non. Non, car on s'en est aperçu peu de temps après la disparition de Nisman. Le dossier d'accusation contre Christina Kirchner était assez peu consistant. Donc elle n'était pas vraiment menacée. Et elle aurait échappé aux sanctions judiciaires que Nisman lui promettait. Alors, si vous disculpez la présidente, qui ? Eh bien, comme je vous le laissais entendre depuis le début de ce long entretien, il faut s'intéresser aux services secrets argentins et à leurs obscures manœuvres. Et tout particulièrement à un étrange personnage nommé Jaime Stucio, qui était le vrai patron de ces services et qui, mystère supplémentaire, semble avoir disparu de la circulation depuis la mort du procureur. Mais auparavant, un mot sur ce service secret, le CID, son appellation officielle. Il a été créé par Perón. Et quand ? Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et depuis, il n'a jamais été vraiment réformé. Pas même après la fin de la dictature militaire. Ouais, alors que ses agents ont dû jouer un rôle pour le moins trouble à l'époque. Et qu'ils ont été étroitement associés à la féroce et sanglante répression contre l'opposition. Ils bénéficiaient alors d'une totale impunité, ce qui a permis à des hommes comme Stosio, qui appartenait déjà au CID, de se livrer à de nombreuses exactions. Il aurait même édifié un réseau de jeunes filles enlevées puis prostituées, grâce auxquelles il aurait fait chanter des politiciens et des hommes d'affaires. Et lors du rétablissement de la démocratie, on ne lui a pas demandé de rendre des comptes ? Non, la justice et le pouvoir ont étouffé ses affaires. Parce que le CID était déjà un État dans l'État, et qu'il a toujours affiché une autonomie certaine vis-à-vis des gouvernements successifs. À noter que le budget du service n'a cessé de croître. Il dépasse aujourd'hui les 820 millions d'euros. Et aucun dirigeant argentin n'a essayé de le réformer ? En 2005, Néstor Kirchner s'y est bien engagé, mais il n'a pas tenu sa promesse. C'est si vrai qu'un observateur a remarqué avec humour qu'il serait grand temps d'informer les espions argentins que la démocratie était de retour en Argentine depuis 1983. Ouais, ça c'est de l'humour. Mais donc, ils n'ont pas changé, quoi. Et continuent comme autrefois à surveiller ce que l'on appelait du temps de la junte les ennemis intérieurs. Alors, après ces généralités, voyons qui est ce Stosio. Peu avant la mort de Nisman, il occupait encore, à l'âge de 61 ans, le poste éminent de directeur du contre-espionnage et des opérations spéciales du CID. Et vous m'avez dit qu'il avait intégré ce service avant la dictature, hein ? Au début des années 70. Il a donc fait toute sa carrière au CID. Ne revenons pas sur la sinistre période de la dictature. Dans les années 2000, Stosio est incontestablement l'homme fort du service. Et c'est à ce titre que le président, Néstor Kirchner, le met en contact avec Alberto Nisman. Pour travailler avec lui sur l'enquête sur les attentats antisémites. Et c'est le début d'une collaboration qui va durer 10 ans. Nisman apprécie surtout le tentaculaire système d'écoute téléphonique que Stosio a mis en place à travers tout le pays. Stosio a donc la confiance du président. Mais confiance mal placée, selon son ministre de la Justice, qui le met en garde. D'après lui, le maître espion a édifié un pouvoir parallèle et serait même à la tête d'une sorte de Gestapo, chargé d'acheter et de torturer les témoins, d'intimider et d'estorquer les politiciens de l'opposition. Le Kirchner écoute son ministre ? Non. Et c'est le ministre qui doit démissionner et même s'exiler. Ce qui prouve la puissance de ce Stosio. Hein. En effet. Stosio, qui profite aussi de sa participation à l'enquête de Nisman pour conforter ses relations avec la CIA, le FBI et le Mossad. Mais le vent va tourner à la fin 2014. Mais c'est tout récent, alors. Ah oui. Il semble que Cristina Kirchner ait enfin pris conscience du pouvoir de nuisance de Stosio. D'autant qu'il était à coquiner avec son adversaire Nisman. Stosio a donc été révoqué et aussitôt remplacé par un proche de la présidente. En même temps, celle-ci a annoncé la dissolution du CID et la création d'un nouvel organisme de renseignement, le SI. Pourquoi s'est-elle enfin décidée à faire ce que feu son époux avait promis mais jamais réalisé ? En fait, ses relations avec le service secret s'étaient progressivement détériorées, sans doute à cause de la proximité entre Nisman et Stosio. Elle reprochait en particulier à ce dernier de multiplier les écoutes téléphoniques. Et peut-être avait-elle peur d'être elle-même écoutée. D'autant qu'elle était soupçonnée dans plusieurs affaires financières. Et puis il y avait la négociation de l'accord mémorandum avec l'Iran, qui devait s'effectuer le plus discrètement possible. Mais il y a encore plus étonnant. Expliquez. En 2014, Nisman lui-même lance des accusations répétées contre le CID, dont il suspecte certains agents de jouer un double jeu avec ses homologues iraniens. Alors qu'il travaille main dans la main avec l'homme fort du CID, ça semble incompréhensible tout ça. C'est vrai. Et ça a vraisemblablement entraîné une brouille entre Stosio et le procureur. Il faut noter une confidence très troublante de Nisman, quelques jours avant sa mort. Il dit à des députés de l'opposition qu'il a été trahi par un agent secret. Stosio ? Pourquoi pas. Et il a ajouté, cela pourrait me coûter la vie. Alors, vous laissez donc entendre que Stosio pourrait se trouver derrière l'assassinat de Nisman. C'est tout à fait possible. Mais lui, quel aurait été son mobile ? Bah, réfléchissez. Qui a été principalement mis en cause après la mort suspecte du procureur ? Bah, Christina Kirchner. Eh bien, Stuccio, qui avait d'excellentes raisons de se venger d'une femme qui l'avait révoquée, n'aurait-il pas commandité l'assassinat de Nisman pour nuire politiquement à cette dernière ? Oui, en essayant de lui faire porter le chapeau, comme on dit dans le milieu. Exactement. Et si on en juge par les réactions très hostiles de la presse et de l'opinion publique à l'égard de la présidente, Stuccio n'aurait pas raté son coup. Alors, mais qu'est-il devenu ? Il aurait disparu, m'avez-vous dit ? C'est ça. Il n'a pas répondu à la convocation des enquêteurs qui voulaient l'entendre. Et désormais, il est recherché dans tout le pays. Seul, son avocat s'exprime encore en son nom. Témoignera-t-il un jour ? Bah, s'il est encore en vie, peut-être. Ah bon, il pourrait lui aussi être menacé. Bah, ce ne serait pas le premier témoin important à être réduit définitivement au silence. Mais rassurez-vous, ce n'est bien sûr qu'une simple hypothèse. Disons que j'ai un peu trop tendance à voir la vie en noir. Pour terminer, je voudrais faire état d'une information qui, à mon avis, a été largement négligée. Eh bien, allez-y, je vous écoute. Il n'y a pas si longtemps, un ancien ambassadeur d'Israël à Buenos Aires, interrogé à l'occasion du 20e anniversaire de l'attentat antisémite de 1994, a déclaré de façon elliptique que pour Israël, justice avait été faite. Eh, ce qui veut dire ? Bah, que les principaux acteurs de cette opération sanglante avaient été éliminés. Assassinés ? Bien sûr. Un peu à la façon dont les responsables du massacre des athlètes des JO de Munich en 1972 avaient été systématiquement liquidés les uns après les autres. C'est-à-dire tous ceux qui figuraient sur ce que l'on a appelé la liste de Golda, Golda Meir. Hein. Oui. Mais alors ceux de 1994, là, bah, qui étaient-ils ? Des membres du Hezbollah. Le dernier à être tombé étant certainement Mounier, tué à Damas dans l'explosion de sa voiture. Mais si les tueurs israéliens ont réglé à leur façon cette affaire, il faut quand même observer qu'ils n'ont éliminé que des hommes de main et pas les véritables commanditaires. Comme d'habitude, cette émission a été réalisée par Michel Biou, mise en musique par le célèbre Monsieur Djoub et préparée par Rebecca Denande qui va nous dire quoi aujourd'hui ? J'ai fait une belle découverte, Patrick. Les trois polars du romancier argentin Ernesto Mayo. L'aiguille dans la botte de foin, un voyou argentin et les hommes t'ont fait du mal. Dans le premier volume, on suit les pas de Pero Lascano, un flic dépressif et intègre dans le Buenos Aires de la dictature du général Videla, miné par la corruption, les relents d'antisémitisme et la lutte contre la subversion. Dans les deux tomes suivants, au début des années 80, la démocratie est revenue. Lascano s'est reconverti en détective privé et le boulot ne manque pas. Règlement de compte entre policiers et militaires, trafic en tout genre. Cette formidable trilogie est publiée chez Payot dans la belle collection Rivage Noir. Eh bien, c'est très bien, Rebecca. Vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, aussi sur franceinter.fr à samedi prochain. Et tout de suite, après le flash CO2, Mon amour de Denis Chessou. Mmh.